prise d'un arrière, toute fair play, première enclenchée, on fera plus marche arrière, appuie sur play, c'est du le wanted, je remets la mienne, toujours pour les miens, sur un son deck, wanted ça fait, j'ai plus je suis dans toujours pas fait, grâce aux honteux, il paraît que le rap est mort, c'est les rappeurs qui sont fatigués, boycottés, plus des plus nuisibles à leur succès, merde, j'en fais notre chemin, prends des thunes sur le terrain, le rap pour calmer mes nerfs, toujours vénère pour mes frères en cellule, nique, nique les camions cellulaires. C'est le rap du béton, nous testez, respectons l'infraction. Le rap passé, je lui donne des frissons. C'est traction et pompe, pas série pour la condition. Fais-en un, y'a l'Afghan qui tourne en ce moment. Vaincre malgré les baffes et même blessé, on reste sévère comme un frère en cage. C'est le début du cauchemar. Ça sert à quoi d'être trop grand ou trop large pour finir dans le coma? C'est pour mes vaillants, les fidèles, les fous de grosse. Amoureux, tu nous dis à la vie grosse. Tu joues les moines, tu crois avoir le monopole, frérot. Évite la toile pour ça, t'arrête pas quand y'a la rondéo. On met une croix sur vos avenirs, on veut notre part. Marcher sur l'or, ça va la mort, ça tire et ça repart. C'est le début de la fin et on a faim. Comme Tony, je m'arrête pas, même quand y'a une balle qui m'atteint. Regarde nos têtes, nous, interdit qu'on se la pète, nous. Interdit que tu nous la mettes, nous va y arriver en tête, nous. T'étonne pas que ça pète, fou, c'est du les one tête, c'est la classe et la tête, gros, on n'a pas la crête, nous. La fin de leur parcours, nous on décharge tout. Pendant qu'ils sont à court, c'est la guerre que les victimes aillent se cacher. Hey. La jalousie fait parler mal, ta carrière, ton image, ton vécu, même pas crédible, autre image, reste à ta place. Sur le terrain, c'est la chasse, ça charque pour ti, ça charque pour le titre, ça tire, ça gratte, ça braque pour des boutis, ça fait des sous, ça les gars, mon cousin gère toi, on se gère tranquillement, les cousines, calme-toi le doigt, c'est rap sport, folle, produit, illicite, quoi. C'est le début du cauchemar, la fin de leur parcours, nous on décharge tout, pendant qu'ils sont à court, c'est la guerre, que les victimes aillent se cacher. C'est Wanted, c'est du rap and roll. C'est le début de ton cauchemar. Dernière sondation 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Dans le rap, si tu veux. Wanted, c'est pour les noirs, pour les noirs. 1335, on est là, de la scène. On est là, mon pont. On arrive. Marseille, et même ceux d'ailleurs.